Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause sometimes they keep coming all night, laughing and bluffing. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope that it was you. Leave them kids alone. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, E-O-U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Budapest, c'était George Ezra sur RTL2. Et si vous voulez voyager en ce moment, n'allez pas en Belgique, hein, très clairement. Ah. C'est la destination où il ne faut pas aller quand on est français. Par contre, on peut aller en Corse, il paraît que c'est très joli, n'est-ce pas, Justine? Tout à fait, mais là, le plus important, c'est on est en finale! Et ça c'est bon. Bonjour Justine, bonjour Greg. Bonjour Thomas, bonjour France qui se réveille finaliste de Coupe du Monde. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Je me posais la question hors antenne. Est-ce que quelqu'un est en forme dans cette radio? Oui. Parce que tout le monde a fait la fête hier soir. On est complètement cramé. Ah mais moi va faire je suis heures. En pleine forme. Oui, forcément tu t'es pleine reposé feignasse. T'as eu 5 jours. Ouais c'est ça. Pendant que d'autres bossaient, trimaient. J'avais un mariage. Oh, bon larbin pop rock. Un mariage à quel niveau de rock? Elle avait son mariage. Ouais. Bravo, on est très heureux pour toi. T'as une belle trace de bronzage sur l'annulaire, c'est génial, c'est top, on t'embrasse. Merci Thomas, félicitations, vive la France. Merci. Et vive qu'elle m'en soit, vive la République. Bonjour. Il est 6h, bonjour Justine. Allez, bon réveil à tous. Les infos avec Raphaël Thomas, enfin ce qu'il en reste. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Ce sera donc la troisième finale de Coupe du Monde pour la France. Les Bleus ont battu la Belgique 1-0 hier soir grâce à un but de Samuel Umtiti. Dimanche après-midi, ils affronteront le vainqueur de l'autre demi qui se joue à 20h. Ce sera l'Angleterre ou bien la Croatie. Le perdant défiera de son côté les Diables Rouges lors de la petite finale samedi. Fumigène, pétard, klaxon et marseillaise partout en France. Et jusque tard dans la nuit, les supporters ont fêté cette victoire à Paris. La foule a envahi les Champs-Élysées fermées à la circulation. Et à Nice, un mouvement de foule a fait une trentaine de blessés légers. Toujours en foot, la fin du feuilleton Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Le club a accepté son transfert à la Juventus de Turin. La facture s'élève à plus de 100 millions d'euros. Le quintuple Ballon d'Or portugais s'engage pour 4 ans. Dans le reste de l'actualité, la mort d'un soldat français en Côte d'Ivoire. Le militaire a été tué, un autre grièvement blessé dans le crash d'un hélicoptère près d'Abidjan. On ignore les causes de l'accident. Un bilan toujours plus lourd au Japon, ce sont au moins 179 personnes qui sont mortes à l'ouest du pays lors des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes. Des dizaines d'habitants sont par ailleurs toujours portés disparus. Le Premier ministre Shinzo Abe doit se rendre sur place aujourd'hui. Ils auront passé plus de deux semaines sous la terre en Thaïlande. Ça y est, les 12 enfants et leur entraîneur de foot qui étaient coincés dans une grotte inondée ont tous été évacués par des plongeurs. L'opération aura duré 3 jours. Ils sont sains et saufs. Ils ont tous été hospitalisés. Retour au sport, plus aucun Français à Wimbledon. Et non, Gilles Simon a été battu en 8e de finale par Juan Martín Del Potro, l'Argentin qui a rendez-vous aujourd'hui en quart de finale avec Rafael Nadal. Novak Djokovic lui affronte Kei Nishikori, Roger Federer, le Sud-Africain Kevin Anderson. Chez les femmes, Serena Williams s'est qualifiée hier pour les demi-finales, 10 mois après son accouchement. Dans le dernier carré, elle affrontera l'Allemande Julia Görges. L'autre demi opposera l'Allemande Angélique Kerber. Julio, oui, Iglesias. Pardon. Non, faut pas partir en vrille comme c'est ça. Craquage, hein. Faut pas craquer au premier flash. Non, ça va aller. On va attendre. On va passer à la météo. Voilà. De la Normandie au Grand Est en passant par le Nord. La journée débutera sous un ciel couvert. Ouais, c'est bien. L'après-midi, le temps alternera entre nuages et éclaircies des frontières du Nord jusqu'à la Bretagne, au centre et à la Bourgogne-Franche-Comté. Au sud, hormis de la grisaille au pied des Pyrénées sur le Pays Basque, le soleil sera plus généreux. Dans l'après-midi, ça va se charger sur les Alpes du Sud et les Pyrénées avec un risque d'averse. Les températures ce matin, ça continue de descendre. 13 degrés à Sedan, Brest et Dijon, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Paris, 16 à Bordeaux, 19 à Nîmes et 23 à Ajaccio. L'après-midi, on attend 24 degrés à Strasbourg, 25 à Paris, 26 à Rennes, 27 à Lille, Lyon et Nice. Bonjour, il est 6h02. Bonjour Justine qui est de retour. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bienvenue dans un pays qui est en finale à la Coupe du Monde de foot. Ce sera dimanche à 17h. Et voici un hommage à Justine, c'est Julien Doré, Porto Vecchio. La lumière est divine sur le Porto Vecchio. Les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. Je nage dans le murmure des vagues. Et j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Porto Vecchio. Bonjour à tous, bienvenue dans le double expresso RTL2 de l'été. On est le mardi 11 juillet, il est 6h06. Grégory Hacher et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL2. C'est différent, c'est bon, elle suffit, ouais, cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. France qui se réveille en finale de la Coupe du Monde de foot. Quel plaisir de vous réveiller ce matin et de vous accueillir en ce mercredi 11 juillet. Elle est de retour. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous et bonjour à tous les Français trop fiers d'être Français ce matin. Ah, c'est bien de chez bien, franchement, comme sensation. Ça faisait 12 ans qu'on attendait ce retour en finale de Coupe du Monde. Franchement, on en fait 3 en 20 ans, c'est cool, hein. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Bonjour à Jérémy qui est aux manettes de l'émission. Salut. T'as dormi quoi, 5 minutes, 10 minutes, 5 quarts d'heure? On est sur une petite heure, mais vraiment une petite. Une petite heure de sommeil. Oui, mais Jérémy, il a fait vivre ça à son fils, je trouve ça génial. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est des souvenirs pour la vie. Ça. Bonjour à Vivi également au Standard Jeu 3228, à Jules qui est avec nous également. Ça va? Oui, ça va, en pleine forme. Moi, je suis rentrée tard hier parce que mon train avait du retard. Mon avion avait du retard. J'ai donc suivi la deuxième mi-temps dans la voiture et j'ai regardé les dernières minutes toute seule chez moi et je suis quand même sortie pour prendre un petit verre de la victoire. Bah oui, c'est normal. Dans la rue, c'était dingue. Ouais, c'était bien, franchement, c'était bien. Toi, t'es sorti aussi. T'as regardé les gens sur ton balcon et t'es sorti. J'ai fait en double étape, moi. Je travaillais, du coup, donc je faisais l'avant-match. Donc, du coup, j'ai regardé à la rédaction de l'équipe la première mi-temps. J'ai tracé, mais comme un dingue, pour rentrer chez moi pour voir la seconde mi-temps. Il n'y avait personne, hein. Il n'y avait personne. Je pouvais faire ce que je voulais. Et puis, ouais, la folie. Voilà, j'ai regardé ça en famille. Et puis après, sur le balcon, dehors, avec les gens, coucou. Ah, c'est dingue, j'adore. On est allé faire la fête avec tout le monde, quoi. C'était cool. Bon, bah voilà, on est lancé pour le double expresso. Je vous donne le sommaire après, là, hein. On va se mettre en musique tranquille. Oui, cool. On va pas faire ça pressé, là. Céline Marlin, voilà, hit it sur RTL de bonjour. Brings my feet, rub their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't even count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind it can't be. Seems to go all crazy. I got all the time I need. Wanna dream, fulfill my wishes. Like this future already now being Marlene Wanham, Hit It sur RTL 2 à 6h11. Oui, je vous parlais du sommaire il y a quelques minutes, on va quand même le faire. Il y aura l'Info Expresso, ce sera avec Justine. De quoi on va parler ce matin, Juju? Ce matin, j'ai pensé à vos vacances et à votre porte-monnaie, donc rendez-vous dans quelques minutes. Bon, très bien, il y aura l'horoscope à 6h25, le winner du jour à 6h35, et puis le journal des festivals à 6h55, oui. Il est 6h11, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en allant se coucher là aussi. Bah, surtout ceux qui t'écrivent là sur ton téléphone à qui tu réponds qu'on fait la fête. Pas du tout, bien sûr, tous les copains et les copines de Justine qui ont fait la fête. Tous ceux qu'elle vient de quitter il y a une demi-heure. On se retrouve avec Tibbs aussi dans quelques secondes. On n'est pas bien là dans le double expresso RTL 2. Bonjour, bon réveil. Eh, final ou pas les gars? Ouais. Tout l'été à partir de 19h, c'est RTL 2 Summer Party. Mix Pop Rock avec Loran et RNP. Pour un début de soirée up tempo. RTL 2 Summer Party, tous les soirs à 19h. Montez le son. Avant l'auto, les vendredis 13, je croisais les doigts très fort. Oh, ça fait mal. Puis j'ai essayé 6 numéros. 6 numéros. Aujourd'hui, grâce à 6 numéros, les vendredis 13, ce sont mes jambes que je croise allongées sur le sable. Merci 6 numéros. Il suffit de 6 numéros. Vendredi 13, super loto exceptionnel de 13 millions d'euros minimum. Et 50 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et vous? C'est quoi votre défi avec les plaques Habito de Placo? J'ai un client toqué de cuisine. Alors pour accrocher 300 kilos de meubles au mur, il fallait la bonne recette. Heureusement, maintenant, il y a Habito. La seule plaque capable de supporter 60 kilos par point de fixation. Défi relevé. Professionnel, découvrez la plaque Habito dans votre point de vente et sur placo.fr. Placo, une marque de Saint-Gobain. Tous les jours, partout en France. RTL 2, le son pop rock. On aime le nouveau Jane. All Right sur RTL 2. To look down at you. Things gonna be made. 7h16, c'est le Double Expresso RTL 2 de l'été. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour à vous, bienvenue. La première info Expresso, on va parler de vacances, évidemment. Et pour le moment, comme promis aussi, tips. On n'est pas bien là sur RTL 2. Bon réveil. Même si tes mots changent, file au gré du temps qui passe. Et si ma voix te dérange, je ne me sens pas à ma place. On n'est pas bien là, à parler bien et de tout, à parler lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous. Nos regards se sont croisés. Et tout à coup je divague. Je t'aime et ça tu le sais. Assis tous les deux, des je t'aime devenus poussière. Je me sens un peu comme dans un autre univers. Univers, oh on n'est pas bien là, à parler bien et de tout, parler lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous. Oh, on n'est pas bien là, à parler bien et de tout, à parler lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, fous, fous. Souvent les histoires s'effacent et sans retour en arrière. C'est mon secret, j'en suis fier. Je mets le passé au présent. Ce qui s'est passé reste grand. Et toi et moi c'est la vie. Ma vie commence aujourd'hui. Yeah. On n'est pas bien là, à parler bien et de tout. Parler de lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous. Oh, on n'est pas bien là, à parler bien et de tout. Oh, à parler de lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous. Dans le Double Expresso RTL 2. On n'est pas bien là à 6h19, messieurs. Ouais, ouais. RTL 2, l'info expresso de l'été. Allez hop, comme t'as rien fait pendant deux jours, tu fais l'info expresso. Allez, je vous propose de gagner de l'argent pendant vos vacances. Parce que qui dit vacances dit dépenses aussi. On va pas se mentir. Hein, entre l'hébergement, loisirs, les repas, les sorties. Bon, bref, on s'en sort, on a un compte dans le rouge. Ouais, hein. C'est pas fou. Donc j'ai quelques idées pour faire des économies. Si vous accompagnez un voyageur, par exemple, le site faciligo.fr met en fait des relations, met en relation des personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas voyager seules. Donc des enfants, des seniors, des femmes enceintes ou des personnes à mobilité réduite. Ouais. Et du coup, vous venez accompagnateur et vous profitez de meilleurs tarifs. Et des étudiants qui font ça, par exemple, et qui peuvent voyager gratuitement s'ils accompagnent. Je m'étais renseigné pour les enfants, effectivement. Ouais, du coup, les tarifs sont moins chers. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vous pouvez aussi vendre vos photos. Parce que maintenant, on le sait, on se prend vraiment pour des photographes avec nos smartphones. Ouais. Eh bien, il y a une plateforme qui s'appelle Kugi.io qui permet aux photographes amateurs de vendre leurs clichés de vacances contre une vingtaine d'euros. Et ça accepte même les photos prises avec un téléphone portable. Mais c'est-à-dire les photos du coucher de soleil, des photos de voyage. Non, bah personne ne va acheter les photos de ma tête, hein, je te le certifie. Non, pas des photos de toi, des photos de voyage, de paysage. Ah oui, mais quel est l'intérêt? Ah oui, mais c'est après ils les utilisent pour les banques de données. Oui, oui, non, mais toi, oui, j'ai compris, mais pour la personne qui les achète. Oui, c'est une banque de données, c'est moins cher. Okay, okay. C'est moins cher qu'une photo que tu achètes. Vous pouvez aussi jouer au facteur. Il y a des sites de livraison de colis entre particuliers. Et le principe, en fait, c'est de profiter d'une place dans son coffre de voiture, dans sa valise, pour livrer un colis une fois arrivé à destination. Pratique aussi. C'est bien aussi, ça. Bah, franchement, ça ne vous engage à rien. Moi, j'aurais du mal parce que ma valise est déjà pleine. Mais... Enfin, tu veux dire tes valises. Mes valises, ouais. C'est vrai. C'est pas faux. Je ne sais pas voyager léger. Non, tu sais pas. pas voyager tout court c'est et vrai. Léger en plus. Ça, je l'avoue. Bah, c'est vrai. Merci Justine pour ces bons plans de l'été. C'est avec plaisir. 6h21 avant l'horoscope. Voici Keen, Somewhere Only We Know dans le double expresso RTL 2. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Expresso RTL de 6h24. Allez, l'heure de l'horoscope, médaille de bronze pour les balances, Greg. Une de vos relations prend un nouveau tournant, attention à ne pas vous brûler les ailes. Les sagittaires. Il faut surmonter certains désaccords, bomber le torse et garder la tête haute. Verseau. Vous êtes trop recentré sur vous-même, ouvrez-vous aux autres. Les poissons. La chance vous fuit, ce n'est pas le moment de tenter votre chance au jeu. Médaille d'argent maintenant pour les taureaux. Votre dynamisme séduit, il pourrait bien vous aider à obtenir ce dont vous rêvez. Les gémeaux. Le succès est tout prêt, plus rien ne vous résiste. Cancer. Vous êtes organisé et motivé, vos supérieurs apprécient. Les lions. Vous êtes sûr de vous, les conquêtes se multiplient. Vierge. La communication est votre maître mot, on vous écoute et surtout, on vous comprend. Scorpion. Vos projets vont se débloquer petit à petit, patience, vous y êtes presque. Les capricornes. La passion vous anime, c'est beau, vous êtes sur un petit nuage. Et enfin, médaille d'or aujourd'hui pour les béliers. Eh oui, vous êtes en paix avec vous-même, vous ne vous êtes jamais senti aussi bien. 6h25, Manu aussi, on est en forme, on se sent bien, on est en finale de la Coupe du Monde, et ouais, je dis on, parce que c'est on tout est un heureux. Peuple. Hein. Bah bien sûr, et bravo à nos 23 footballeurs. Voici Manu, ciao. Clandestino sur RTL 2. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Manu Chao, clandestino, là, sur la fin de la chanson, on dirait nous en fin de soirée après une victoire. Ah, genre, ah bah là, bonsoir, bonsoir. Bon, ça, il n'y a pas toutes les syllabes. Bon, bon, bon, bon. 6h27, le groupe fun va arriver. T'imagines ? C'est du vécu, hein. Ouais. Ce matin, je me suis dit, je vais vous accueillir en disant, bon, le winner du jour, une histoire assez dingue. Vous êtes sur RTL 2, bonjour. Bonjour. Bonjour. Tout l'été, partout en France, RTL 2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL 2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL 2, la radio pop rock. Prime Day de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Avec TUI, partez en vacances cet été à prix léger avec les jours Happy. Moins 30, moins 40, moins 50%. Oui, jusqu'à moins 50% sur les séjours, les clubs, les circuits ou les vols. Dernière place à saisir en agence de voyage et sur TUI.fr. TUI, numéro 1 mondial du voyage. Happy égale heureux. Valable pour des départs jusqu'au 31 octobre 2018. Conditions sur TUI.fr. Événement. Du 1er au 31 juillet, le Festival de Carcassonne réunit les plus grands artistes dans un site unique en France, au cœur de la cité médiévale. Simple Minds. Angus et Julia Stone. A.A. Robert Plant. Calogero. Julien Doré. Bess Ditto. Jane. Aldi. Les Négresses Vertes et plein d'autres artistes. Réservation sur festivaldecarcassonne.fr. Toyota. Bonjour, je cherche les primes de 4000 euros. Ah, alors tournez à gauche au petit astérisque là. Continuez la route des mentions légales sur un kilomètre. Traversez la forêt des conditions. Il n'y a pas plus simple. Bah sinon, chez Toyota, c'est tout droit. Ne vous perdez plus dans les conditions. Du 2 au 21 juillet chez Toyota, profitez de primes à l'hybride jusqu'à 4000 euros sans aucune condition. Estimez la valeur de votre véhicule sur toyota.fr. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables pour toute commande de Yaris, Auris et Toyota CHR hybride neuf dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Il est 6h30, bon réveil avec le double expresso RTL 2. C'est l'heure des infos et c'est avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Les yeux tournés vers dimanche, la Croatie ou bien l'Angleterre. Qui pour affronter la France en finale de la Coupe du Monde? Réponse ce soir à partir de 20h. Le perdant, lui, jouera pour une troisième place lors de la petite finale samedi après-midi face à la Belgique. Les Diables Rouges qui ont donc été battus 1-0 hier grâce à un but de Samuel Umtiti à la 51e minute partout en France. Les supporters ont fait la fête toute la nuit à Paris. Les Champs-Élysées ont été envahis par la foule. Et à l'issue du match, Paul Pogba a dédié la victoire aux rescapés de la grotte thaïlandaise. Parce qu'après plus de 15 jours sous terre, les 12 enfants et leur entraîneur de football qui étaient coincés dans une cavité inondée ont enfin tous été évacués hier par des plongeurs. Ils sont sains et saufs. L'opération aura duré 3 jours. Un sommet de l'OTAN sous tension, Donald Trump est arrivé hier soir à Bruxelles. Peu avant son arrivée, le président américain a déploré le fait que de nombreux pays de l'Alliance ne tiennent pas leur engagement en matière de dépenses militaires. Des critiques qui pourraient mal passer auprès de ses partenaires après l'échec du G7 le mois dernier au Canada. La semaine prochaine, il se rendra à Helsinki pour un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. La mort d'un soldat français en Côte d'Ivoire. Le militaire a été tué hier et un autre grièvement blessé dans le crash d'un hélicoptère près d'Abidjan. On ignore les causes de l'accident. Nordal Lelandais retourne en prison. Après 5 mois en cellule médicalisée, l'ancien militaire a quitté hier l'unité hospitalière où il était près de Lyon pour retrouver la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Déjà mis en examen pour le meurtre de Maëlys et l'assassinat du caporal Arthur Noyer, Nordal Lelandais a été mis en examen une troisième fois la semaine dernière pour l'agression d'une de ses petites cousines. Allez, retour au sport avec la 5e étape du Tour de France. Au programme aujourd'hui, 204 km entre Lorient et Quimper. Hier, c'est le Colombien Fernando Gaviria qui a remporté au sprint la 4e étape. C'est son 2e succès depuis le départ du Tour. Le Belge Greg Van Avermaet est toujours en jaune. La météo des plages, il fera beau sur la quasi-totalité du littoral aujourd'hui, malgré quelques petits nuages sur les côtes de la mer du Nord et de la Manche. Comptez 23 degrés à Étretat cet après-midi avec une eau à 19 degrés. En Bretagne, il est prévu 26 degrés à Brest, température de l'eau 19 degrés. Dans le golfe de Gascogne, on attend 27 degrés à Mimizan et un océan à 23 degrés. Sur le pourtour méditerranéen, il fera 29 degrés à Argelès-sur-Mer au plus chaud de la journée avec une eau à 22 degrés. 31 degrés attendu à Hier les Palmiers, température de l'eau 24 degrés. Enfin en Corse, Météo France prévoit 30 degrés à Sagone et une mer à 25 degrés. Tous les matins, 6h-9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL 2. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a towel, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. RTL 2, il est 6h35. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Un winner qui va parler à beaucoup de monde ce matin, qu'on a trouvé sur BFM.com. C'est une boulet. Hein. Ce matin de John Hart. John, c'est un grand-père. Il prenait le funiculaire du côté des montagnes du Nouveau-Mexique. Il était avec son petit-fils et sa copine. Ok, jusque-là, tout va bien. Okay. Tout ce petit monde a sympathisé avec un autre couple. Et notre John, il s'est senti à l'aise. Il a regardé le couple. Il a lancé naïvement au jeune homme. Ce serait vraiment un lieu formidable pour faire sa demande en mariage. Sauf que là, bah gaffe, parce que c'était l'idée du jeune homme. Bon, oh, c'est terrible. Petite gaffe. Voilà. Ok, ça commence. Ils sont arrivés au sommet. Donc là, le jeune homme en question a mis un genou à terre. Il a voulu demander sa femme en mariage et il a demandé à John de filmer le tableau avec son téléphone portable. Bah oui, pour immortaliser le truc, bien sûr. Malheureusement, le mode selfie était resté activé sur l'appareil. Et puis notre John, il s'est laissé tromper. Du coup, il s'est filmé lui pendant la demande en mariage. Donc on a le visage en gros plan du papy qui est sur l'écran et pas la demande en mariage. T'as le son derrière, là, tu lui demandes en mariage. Il y a le son, il y a les rires, il y a les exclamations de tout le monde, c'est plutôt rigolo. Il a son gros nez en ouverture de vidéo, magnifique. Bon, double winner, là, pour le coup, double gaffe, quoi. C'est plutôt mignon. Bon, c'est plutôt mignon. Merci, Justine. Bon réveil, c'est le double expresso RTL de 6h37. Morissette, la Canadienne dans le double expresso RTL2, c'était You Learn, il est 6h40. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Suzanne Vega. Du coup, comme on est des gars sympas et des filles sympas, on s'est dit, tiens, on va l'écouter. My name is Luca. Parfait pour se réveiller en douceur. Bah voilà, il y aura aussi 4 Centuries, Super Grasse et le journal des festivals, c'est le double expresso RTL2. Bienvenue dans un monde où la France est en finale de la Coupe du Monde. On est mercredi matin, c'est le 11 juillet, c'est RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Maroon 5. Ce titre d'Ed Sheeran, vous l'avez découvert sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de U2. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile? Nespresso lance l'abonnement en exclusivité sur Nespresso.com. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Peugeot, leader des SUV en France. Partez au volant d'un SUV Peugeot. Tous fabriqués en France, il y en a forcément un fait pour vous. Le SUV 2008, le compact, aussi à l'aise en ville qu'en montagne. Le SUV 3008, le concentré de technologie agile sur tous les terrains. Ou le SUV 5008, le grand 7 places ultra modulable. Cet été, profitez d'une reprise de 3000 euros en plus de l'Argus pour l'achat d'un SUV Peugeot. Conditions sur Peugeot.fr. Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Pékin Express fait son grand retour. 10 000 km à parcourir, de Bornéo à Tokyo, avec seulement 1 euro par jour. Des destinations de rêve, un défi de taille. Mais cette année, une règle va tout changer. La voiture ne suffira plus. Train, bateau, vélo, les moyens de transport vont se multiplier. La course va devenir infernale. Pékin Express, présenté par Stéphane Rothenberg, c'est demain à 21h sur M6. Le son pop rock RTL2 vous accompagne partout avec l'appli RTL2. This life is more than just a read-through. 6h45, bonjour à tous, bienvenue dans le double expresso RTL de l'été. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est le mercredi 11 juillet qui s'ouvre à nous, c'est la Saint-Benoît. Vous connaissez tous Saint-Benoît? Bah oui. J'ai plein moi de Benoît. Alors je vais vous donner tous les Benoît que je connais. Bah vas-y, écoute. Non, on va plutôt écouter Suzanne Vega. Voici Luca. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Le double expresso de l'été sur RTL 2. Centuries, Keep On Dancing dans le double expresso RTL2. Il est 6h52. C'est le journal des festivals. Vous savez, hein, tous les jours, on s'intéresse aux festivals de l'été. Et on démarre par le festival de Poupée à Saint-Malo-du-Bois, c'est dans les Pays de la Loire, qui recevra demain Francis Cabrel. Il y aura Deep Purple le 16 juillet, Jane le 21, Chaka Ponk le 24 et Eddie Preto le 26 juillet. Eddie Preto, pardon. Ouais. Bon casting, une fois de plus. Hein. Les Francopholies de La Rochelle auront la chance d'avoir Calogero. C'est ce soir, c'est à 19h. Demain, Charlotte Gainsbourg à 20h. Et puis le 15 juillet, il y aura Brigitte et Oshi. Sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Le 15 juillet également, jour de la finale de la Coupe du Monde, notez bien, Angus et Julia Stone seront au festival de Carcassonne. Festival avec RTL2 d'ailleurs, et c'est Camille qui assurera la première partie. Et on vous en parle déjà, mais dans une dizaine de jours, c'est le coup d'envoi du festival Lollapalooza avec RTL2. Ce sera à Paris, à l'Hippodrome de Longchamp, samedi 21, dimanche 22. Et nous, au Double Expresso, on sera sur place pour vous faire vivre l'événement avec Noël Gallagher, Bébé Brune, Ragan Bone Man, Dépêche Mode, Gorillaz et Portugal de Man. Ça va être assez dingue, deux jours d'émission en direct depuis Longchamp. Franchement, on va vous faire vivre des trucs incroyables musicalement parlant. On a hâte. Ah ouais, on a vraiment hâte. 6h54, bonjour à tous, bon réveil dans le double expresso RTL2. Voici Supergrass, alright. Dans le double expresso RTL2, c'était alright. On n'a pas encore parlé du jeu, mais il sera là dans moins d'une heure. Ce sera la roue pop rock à 7h45 avec à gagner un séjour bel en bras pour 4 personnes. Eh, des vacances en famille. Bah, et c'est pas ce qu'on veut des vacances au mois de juillet. Bah, c'est ce que tu veux tout le temps, toi, de toute façon, en général. Il n'y a pas qu'au mois de juillet. Vous nous appelez un seul numéro de téléphone, Justine. Le 3228 Vivi vous attend au standard. Voilà, séjour pour 4 personnes dans l'un des 58 clubs bel en bras. Il y a même la formule demi-pension qui vous attend. Et puis du son pop rock, il y aura U2 et Charlie Winston. Like Hobo dans le double expresso RTL2 dans quelques secondes. Vos infos, à tout de suite. T'as coupé du scotch toi pendant que je parle? Ouais, tranquille. Ouais, ça s'entend. Tout l'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL2, la radio pop rock. Garder des vieux balais d'essuie-glace sur un pare-brise neuf, c'est pas sérieux. En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace avant Bosch sont gratuits. Vous imaginez ? Gratuit. Une promo comme ça, faut pas la rater. Alors profitez-en, c'est jusqu'au 21 juillet. Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur carglass.fr. Décathlon, c'est aussi la joie. Des sports d'été, des randos dans la nature, des journées en kayak à refaire le monde, des sessions surf qui nous laissent la peau salée, des virages en VTT à... Ah oui, ça on adore. Et en ce moment, profitez des bons plans chez Décathlon. Venez essayer la chemise de rando Quechua manches courtes Travel 100 pour femmes à moins 50%, soit 9 euros, seulement chez Décathlon. Avec TUI, partez en vacances cet été à prix léger avec les jours Happy. Moins 30, moins 40, moins 50%. Oui, jusqu'à moins 50% sur les séjours, les clubs, les circuits ou les vols. Dernière place à saisir en agence de voyage et sur TUI.fr. TUI, numéro 1 mondial du voyage. Happy égale heureux. Valable pour des départs jusqu'au 31 octobre 2018. Conditions sur TUI.fr. Chérie, j'ai craqué. Comment ça ? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Et alors ? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990 euros. Comment ça, 8 990 euros ? Attends, j'ai peur, là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500. Et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990 euros seulement. Offre sous condition de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus éco-Fiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Prime Day de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h, le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80 euros offerts sur nos boîtiers. Oui, 80 euros. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Bonjour à tous et bon mercredi matin. Bienvenue sur RTL 2, il est 7h. C'est l'heure des infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. 20 ans après, il continue de nous faire rêver. Les Bleus ont battu la Belgique 1-0 hier soir grâce à un but de Samuel Umtiti. Dimanche après-midi, ils affronteront le vainqueur de l'autre demi qui se joue à 20h. Ce sera l'Angleterre ou bien la Croatie. Le perdant défiera de son côté les Diables Rouges lors de la petite finale samedi. Fumigène, pétard, klaxon et marseillaise partout en France. Et jusque tard dans la nuit, les supporters ont fêté cette victoire. Seul incident à Nice, un mouvement de foule a fait une trentaine de blessés légers. Dans le reste de l'actu, les syndicats et le patronat main dans la main. C'est suffisamment rare pour être souligné. Les partenaires sociaux ont rendez-vous dans une heure au Conseil économique et social à Paris. Une riposte commune à la politique d'Emmanuel Macron décriée par les deux parties. La semaine prochaine, ils seront tous reçus à l'Élysée. Une découverte macabre à La Rochelle. Trois corps ont été retrouvés sur un voilier dans le vieux port de la ville hier soir. Deux hommes et une femme. C'est un témoin qui a prévenu les secours après avoir entendu des coups de feu. À l'étranger, bilan toujours plus lourd au Japon. Au moins 179 personnes sont mortes à l'ouest du pays lors des inondations et des glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Des dizaines d'habitants sont par ailleurs toujours portés disparus. Ils auront passé plus de deux semaines sous la terre en Thaïlande. Ça y est, les 12 enfants et leur entraîneur de foot qui étaient coincés dans une grotte inondée ont tous été évacués par des plongeurs. L'opération aura duré 3 jours. Retour au sport, Raph, avec ce coup de tonnerre au Real Madrid. Avec la fin du feuilleton, Cristiano Ronaldo, le club a accepté son transfert à la Juventus de Turin. La facture s'élève à plus de 100 millions d'euros. Le quintuple ballon d'or portugais s'engage pour 4 ans. Et puis en tennis, il n'y a plus de français à Wimbledon. Gilles Simon a été battu en 8e de finale par Juan Martín del Potro. L'Argentin qui a rendez-vous aujourd'hui en quart de finale avec Rafael Nadal. Novak Djokovic, lui, affronte Kei Nishikori. Roger Federer, le Sud-Africain Kevin Anderson. Et puis chez les femmes, Serena Williams, elle s'est qualifiée hier pour les demi, à peine 10 mois après son accouchement. La météo de la Normandie au Grand Est en passant par le Nord. La journée débutera sous un ciel couvert. L'après-midi, le temps alternera entre nuages et éclaircies des frontières du Nord jusqu'à la Bretagne, au centre et à la Bourgogne-Franche-Comté. Au sud, hormis de la grisaille au pied des Pyrénées sur le Pays Basque, le soleil sera plus généreux. Et dans l'après-midi, ça va se charger sur les Alpes du Sud et les Pyrénées avec un risque d'averse. Les températures ce matin, elles sont en baisse. 12 degrés à Charleville-Mézières, 13 à Nantes et Dijon, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Paris, 21 à Biarritz, 22 à Nice, 23 à Propriano. L'après-midi, on attend 24 à Strasbourg, 25 à Paris, 26 à Rennes, 27 à Lille, Lyon et Nice. Bravo. Bonjour, 7h02, quel plaisir de vous accueillir. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonjour à toi France Pop Rock qui se réveille ce matin en finale de Coupe du Monde de foot. Tout va bien, on est très heureux de vous accueillir avec Charlie Winston, aussi like Hobo sur RTL. I've always known since I was a young boy. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. Sur RTL2. Grégory Hacher et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL2. C'est désiré, c'est bon, ça suffit, ouais, cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le double expresso RTL2. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes mercredi, c'est le 11 juillet. Je crie parce que j'ai crié toute la soirée. Je crie ce matin une fois plus. Comme vous, ça a klaxonné, ça a fait la fête. Impossible d'être indifférent. La France est en finale de la Coupe du Monde. Elle est de retour pour fêter ça. Bonjour Justine Salmon. Oui, bonjour Greg. Bonjour à tous. J'ai mal calculé mon truc, moi. J'aurais dû prendre un jour en plus. Au moins, j'aurais vraiment pu fêter cette. Oui, parce que t'étais dans l'avion hier. J'étais dans l'avion. Oh là là, la loose totale. Mon avion a eu du retard. Du coup, j'ai raté toute la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je l'ai regardée dans la voiture et je suis arrivée chez moi pour les 6 minutes de temps additionnel. Voilà. Il y a un texto. L'avion est en retard. Bon, je vous rassure, j'ai quand même été fêter ça avec le verre de la victoire après. On s'en doute pas. Voilà. T'étais pas très inquiet. Hein, oui. Ça, bah attends, c'était génial dans les rues. Bien sûr. Ah ouais, super. J'adore. C'était des beaux moments à vivre. Bonjour Jérémy. Bonjour tout le monde. Ça va bien, Romy? Ta petite heure de sommeil? On est fatigué, mais on est bien. Ah ouais, on est vraiment très très bien. Quel plaisir de vous accueillir. Je vais quand même vous donner le sommaire. Je vais faire le gars qui fait le boulot quand même. Vas-y quand même, oui. Ah oui, oui, oui, à un moment, on va travailler un petit peu. L'Info Expresso, ce sera à 7h18. L'horoscope à 7h25. La chanson du jour à 7h35. Mais numéro 1 de l'été. Chanson qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur RTL2. Tiens, ça va faire du bien aussi. Ça va nous aérer un peu la tête. À 7h45, le jeu de la matinée. La roue pop rock au 32-28. Et puis les savoirs inutiles à 7h55. Bonjour, bienvenue. La France est en finale de la Coupe du Monde. Et on écoute YouTube sur RTL2. Sur RTL de Tiers, tu sais quel est le sujet qu'on évoque ce matin à la machine à café, Justine? Bah forcément le match. Bah bien sûr, tout le monde va ne parler que ça ce matin. Mmh. Vous allez parler avec vos collègues, vos amis déjà au réveil, là au petit-déj, ça ne parle que de ça. Quelle émotion, vous êtes en train de revivre ce but d'Oumtiti, vous êtes en train de revivre votre joie hier, évidemment partout en France. Bah ce matin, dans l'Info Expresso, je vais vous parler du classement des sujets les plus abordés à la machine à café hors finale de Coupe du Monde, voilà, évidemment. Et puis, j'ai quelques idées. C'est vrai? Bah garde-les bien au chaud, on en parle après Aerosmith sur RTL2, à tout de suite. Allez, on est en finale les copains. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. Tom Walker, vous l'avez découvert sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Pink. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h, le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80 € offerts sur nos boîtiers. Oui, 80 €. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. L'offre unique d'Optical Center, vous n'avez pas fini d'en parler. Bonjour. Bonjour madame. Une amie m'a parlé de l'offre unique. Les moins 40%, c'est sur toutes les marques de lunettes ? Oui madame. Et les moins 40%, ça marche aussi sur les verres ? Oui, même sur les progressifs. Et la paire offerte, je peux la choisir ? Librement, dans tout le magasin. Même une solaire ? Oui, même de luxe. L'offre unique d'Optical Center, c'est moins 40% sur toutes les marques de montures et verres optiques, plus une deuxième paire de marques offertes, même de luxe. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2018, conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre médecin. La Minute Soin avec Elisabeth Boisdana, porte-parole de la recherche L'Oréal Paris. Aujourd'hui, nous écoutons la question de notre auditrice Sophie. Bonjour, comment être sûre que les ingrédients des soins L'Oréal Paris soient sans danger pour ma peau ? Chez L'Oréal Paris, nous ne sélectionnons que des ingrédients qui ont fait la preuve d'une excellente tolérance, notamment grâce à des tests sur peau reconstruite mis au point par nos experts ces 30 dernières années pour ne pas tester sur les animaux. De plus, tous nos soins comme Revitalift et Edge Perfect sont testés sous contrôle dermatologique. Et par qui sont-ils testés ? Par des instituts indépendants pour garantir des résultats 100% objectifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'oréalparis.fr. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home. Envoie du rock. Vas-y, vas-y, Jérémy. Mais plus fort, mais plus fort, mais plus fort. Faut qu'on se réveille ce matin. C'est pas possible. On a encore la tête en bœuf, plein de souvenirs, plein de cris, plein de joie d'hier et de la qualif. On est heureux. Bah, bien sûr. Voici Aerosmith, Crying sur RTL2. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. Yeah, calls me and then where's that party? That kind of love. RTL 7h21. RTL 2, l'info expresso de l'été. Tous les jours, 6h20, 7h20, 8h20, l'info expresso, ça ne change pas en été. Non, on ne change pas une équipe qui gagne, on est sur bibab.fr. Parce que je lis bibab.fr hein, le lendemain matin de Coupe du Monde, moi, tranquillement, dans Open Space, je lis ça. Bah oui, on adore. Bah bien sûr, 4h30, c'est ma passion, lire bibab.fr. Et donc, je vous ai trouvé les sujets les plus abordés autour de la machine à café. C'est une étude IFOP. 1000 employés ont été interrogés. Résultat, les Français parlent de quoi à la machine à café? Est-ce que le sujet est étonnant? Bah non. Alors, je vous donne dans l'ordre du 8e à la première place. 8e, les études post-bac. Bon. 7e, les examens des enfants. C'est normal. Oui, quand c'est on normal. 6e, la politique et la situation économique de l'entreprise. Jamais ça, jamais. Bah non, on se fâche. Ennuyeux. 5e, les projets et les idées de sortie culturelle. Ça, oui, les bons plans, on partage, ok. Et voici le top 4 des sujets que vous évoquez le plus à la machine à café. Numéro 4. La grève SNCF. Ah, forcément, ça, les retards, les week-ends. Ben oui, forcément, puisque entre les transports en commun pour ceux qui l'utilisent, le train dans ce but-là, et puis ceux qui partent en vacances, c'est normal. Numéro 3, la Coupe du Monde de foot. Logique. Alors, ça normal. Va vite devenir numéro 1 après la victoire des Bleus hier. Numéro 2, les vacances. On parle des vacances entre collègues. On compte les jours, bien etc. Sûr. Tu vas où? Tu fais quoi? Bien sûr. Et numéro 1, le sujet que l'on évoque le plus à la machine à café, mesdames, messieurs, c'est la météo. Bah, la météo, au moins, si tu ne sais pas quoi dire, voilà, c'est toujours facile. Ah oui, mais c'est vrai qu'on évoque le temps la météo. De la semaine. Non, mais, on le fait entre nous tout le temps, non? C'est vrai. Pourtant, on va à la fenêtre, on regarde la météo, on en parle. Oh, Josie et Josette, quoi. Bah, complètement. Bah, on embrasse les Josie et les Josettes, hein, évidemment. 7h23, c'est le double expresso RTL2. Tiens, je vais vous parler de son pop rock et pas de météo, avec la bio de la Casa des Papel. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need. Try to make RTL2, je vous disais, c'est la BO de la série Casa des Papel, mais c'est surtout Cécilia Krull, hein, faut lui rendre hommage, prononcer son nom aussi de temps en temps. My life is going on. 7h26, voici l'horoscope de ce mercredi 11 juillet. Médaille de bronze, Justine et les balances. Une de vos relations prend un nouveau tournant, attention à ne pas vous brûler les ailes. Sagittaire. Il faut surmonter certains désaccords, bomber le torse et garder la tête haute. Les Verseaux. Vous êtes trop recentré sur vous-même, ouvrez-vous aux autres. Les Poissons. La chance vous fuit, ce n'est pas le moment de tenter votre chance au jeu. Les médailles d'argent maintenant avec le taureau. Votre dynamisme séduit, il pourrait bien vous aider à obtenir ce dont vous rêvez les taureaux. Les gémeaux. Le succès est tout prêt, plus rien ne vous résiste. Les cancers. Vous êtes organisé, motivé, vos supérieurs apprécient. Lion. Vous êtes sûr de vous les lions, les conquêtes se multiplient. Vierge. La communication est votre maître mot, on vous écoute et surtout on vous comprend. Scorpion. Vos projets vont se débloquer petit à petit, patience, vous y êtes presque. Capricorne. La passion vous anime, vous êtes sur un petit nuage. Et la médaille d'or du jour, c'est pour ? Pour les béliers, vous êtes en paix avec vous-même, vous ne vous êtes jamais senti aussi bien. Imagine Dragons arrive avec Next to Me. Bon ça. Hein. Et voici ma chanson du jour. Bienvenue dans un monde où la France est en finale à la Coupe du Monde et ça fait plaisir d'attaquer ce mercredi matin avec vous. Avec les petits yeux quand même et la petite voix. Enfin, c'est pas grave. Tout l'été à partir de 19h, c'est RTL de Summer Party. Mix Pop Rock avec Laurane et RNP. Pour un début de soirée up tempo. RTL de Summer Party, tous les soirs à 19h. Montez le son. Conforama, le confort pour tous. Quand on négocie moins 50% sur l'ensemble Mérinos Trio 140 cm, matelas, sommier et deux oreillers à 459€, on pense à tous ceux qui exigent la qualité. À prix douillet, Conforama. Jusqu'au 30 juillet, conditions en magasin et sur conforama.fr. Noroto. L'été, pour se rafraîchir, faut bien réfléchir. Et moi, quand on me dit que chez Noroto, l'entretien clim est à seulement 49€, bah là, je réfléchis plus. Chez Noroto, l'entretien clim et ses 14 points de contrôle sont à seulement 49€. Oui, 49€ seulement. Ce qui est frais n'est plus à faire. Non, parce que normalement, on dit fait, mais là, j'ai dit frais. Noroto. Conditions sur noroto.fr. La bonne idée débute, c'est jusqu'à moins 50% avec l'opération Crazy Literie. Écoutez ça. En ce moment chez But, jusqu'à moins 50% sur une sélection de literie. Ah bah je vous l'avais dit. Hein. Crazy Literie, literie en folie. Voir produits concernant magasin et sur but.fr. Chérie, j'ai craqué. Comment ça ? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Ah, et alors ? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990€. Comment ça, 8 990€ ? Attends, j'ai peur, là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500. Et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990€ seulement. Offre sous conditions de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus EcoFiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Prime Day, de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49€ par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Il est 7h30, il est temps de retrouver Raphaël Thomas pour les infos. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Et les yeux tournés vers dimanche forcément. Eh bien oui, la Croatie ou bien l'Angleterre qui pour affronter la France en finale du mondial de foot à Moscou. Réponse ce soir à partir de 20h. Le perdant, lui, jouera pour une troisième place lors de la petite finale. Ce sera samedi face à la Belgique. Les Diables Rouges qui ont donc été battus 1-0 hier grâce à un but de Samuel Umtiti à la 51e minute partout en France. Les supporters ont fait la fête toute la nuit à Paris. Les Champs-Élysées ont été envahis par la foule. C'est la troisième fois que les Bleus accèdent à une finale de Coupe du Monde. Dans le reste de l'actualité, Nordal Lelandais retourne en prison après 5 mois en cellule médicalisée. L'ancien militaire a quitté hier l'unité hospitalière où il était près de Lyon pour retrouver la prison de Saint-Quentin-Fallavie en Isère. Déjà mis en examen pour le meurtre de Maëlys et l'assassinat du caporal Arthur Noyer, Nordal Lelandais a été mis en examen une troisième fois la semaine dernière pour l'agression d'une de ses petites cousines. Jean-Vincent placé devant la justice. L'ancien secrétaire d'État comparé aujourd'hui à Paris pour violence, injures à caractère racial et outrage à Agen. Il y a 3 mois, après une soirée très alcoolisée, l'écologiste s'en était pris à une femme qui refusait de danser avec lui. Il avait ensuite insulté le videur ainsi que les policiers qui patrouillaient dans le secteur. La mort d'un soldat français en Côte d'Ivoire, le militaire a été tué, un autre grièvement blessé dans le crash d'un hélicoptère près d'Abidjan hier. On ignore les causes de l'accident. À un sommet de l'OTAN sous tension, Donald Trump est arrivé hier soir à Bruxelles. Peu avant son arrivée, le président américain a critiqué les autres pays de l'Alliance. Il a estimé qu'ils ne tenaient pas leurs engagements en matière de dépenses militaires. La semaine prochaine, il se rendra à Helsinki pour un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine. Retour au sport avec la 5e étape du Tour de France. Au programme aujourd'hui, 204 km entre Lorient et Quimper. Hier, c'est le Colombien Fernando Gaviria qui a remporté au sprint la 4e étape. C'est son deuxième succès depuis le départ. Le Belge Greg Van Avermaet est toujours en jaune. La météo des plages, il fera beau sur la quasi-totalité du littoral malgré quelques nuages sur les côtes de la mer du Nord et de la Manche. Et un petit peu de fraîcheur, 19 degrés seulement à Dieppe cet après-midi. Une eau à 19 degrés aussi. En Bretagne, c'est mieux, il est prévu 26 degrés à Brest, température de l'eau 19 degrés. Dans le golfe de Gascogne, on attend 27 degrés à Saint-Jean-de-Luz et un océan à 24 degrés. Sur le pourtour méditerranéen, il fera 29 à Argelès-sur-Mer au plus chaud de la journée avec une eau à 22 degrés. 31 degrés attendu à Hyères-les-Palmiers, température de l'eau 24 degrés. Enfin en Corse, Météo France prévoit 27 degrés à Bonifacio et une mer à 24 degrés. 7h33, bonjour à tous, bonjour Justine. Salut Greg, bonjour tout le monde. Bonjour, on est en finale à la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Et pourtant la France est le deuxième pays le plus énervé au monde sur Facebook, derrière la Corée du Sud et devant la Suède et les États-Unis. On met le plus de greux, tu sais, la tête de gros. Ah, drôle, la là. Tête rouge. Alors on met le plus de dislikes, de choses comme ça. C'est à prendre avec le sourire ce matin. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Yeah. Insoumise sur RTL 2, 7h36. RTL 2, la chanson du jour. Alors, chanson canadienne, ma chanson du jour, ce sont les numéros 1 de l'été, vous le savez, pendant le double expresso RTL 2 de l'été. On l'entend pas souvent sur RTL 2, même quasiment jamais pour tout vous dire, mais on lâche, voilà, hein, c'est l'été, on ouvre un petit peu. On lâche les chevaux. Carly Rae Jepsen avec Call Me Maybe. Oui. Elle avait cartonné tout l'été 2011, elle terminera même numéro 1 le 20 septembre de la même année, un peu partout dans le monde. On va pas faire le tour des pays, on n'a pas le temps, hein, je vais pas faire Jean-Michel Atlas. Un peu de pop, un peu de disco, un peu de son pop rock amusant, les paroles. Elle vous évoque ce que ressent une jeune fille qui vient tout juste de tomber amoureuse d'un garçon. Et le clip vidéo met en scène Carly Rae Jepsen qui tente d'attirer l'attention de son jeune voisin qui se révèle être homosexuel. Du coup, ce sera un fail pour elle. Et du coup, la chanson nous raconte cette histoire-là. Et vous savez, cette chanson, forcément, on danse dessus en mettant nos doigts comme pour le téléphone. Ah, pour faire le téléphone. Complètement ringard, mais on le fait tous. Mais c'est bien de mimer à la radio, du coup. T'as bien fait de finir ton explication, parce que l'image passe pas trop. Mais c'est pour ça que j'ai terminé ma phrase. Et c'est pour ça que je te respecte infiniment. Voici Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen dans le double expresso RTL de l'été. Bonjour. Dans le double expresso RTL de Call Me Maybe. Et bah tiens, il faut nous appeler puisqu'elle nous encourage à téléphoner. On va le faire maintenant pour jouer. Oh, la transition. Oh, bravo. C'est un métier. C'est, je suis un peu le Samuel Umtiti de la transition. Bon, non, ne t'emballe pas non plus. Ouais, je m'enflamme un peu. Ouais. Bah vas-y, donne le numéro peut-être. Non, qu'est-ce que t'en penses? Si je veux. S'il te plaît. 3228, appelez-nous pour gagner un séjour bel en bras pour 4 personnes. J'ai l'impression que c'était plus fluide les deux derniers jours. Non, j'ai même pas l'impression que c'était plus fluide. Eh, mais hein? Si tu veux, je retourne me coucher. Oh hein, non, à tout de suite. Pour là jouer à pop rock sur RTL. Il y aura Harry Styles, tu vois. Pour lui, je reste. Oh, ah, le coup au cœur. À tout de suite sur RTL 2. Tout l'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. On se rappelait pourtant de tout. Retrouvez les fréquences RTL2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL2, la radio pop rock. Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile? Nespresso lance l'abonnement en exclusivité sur Nespresso.com. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Prime Day, de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tenté par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console, vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, oh là c'est grillé. Pour Lidl? Pour nous, oui. En ce moment, pendant les jours XXL, ils mettent le paquet sur les pistaches de Californie grillées et salées. 3,57€ le sachet de 300 grammes, dont 20% gratuit. 3,57€ les pistaches, tu veux que je me fâche? Ah bah non, c'est pas votre genre patron, mais c'est le vrai prix hein. Tu sais quoi, on bosse vraiment pour des cacahuètes. Mais je sais patron, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 11,90€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. RTL2. stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Dans le double expresso RTL de l'été à 8h10, c'était Sign of the Times. La roue pop rock RTL 2. Bonjour Joao. Hello, hola Grégory, hola Justine et la petite équipe RTL 2. Salut Joao. Ça va? Bah très très bien, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai la voix qui est cassée, j'ai crié toute la nuit comme un malade, mais tout va bien. Ah, normal. Bah ouais. C'est pour la bonne cause, nous aussi on est comme vous. Alors on est vous en êtes, finale. Vous êtes heureux comme tout, j'imagine, vous aimez ça, c'est des moments rares. Oui, et j'espère que lundi j'aurai encore la voix encore plus cassée pour tout dire. Ouais, on le souhaite. On le souhaite évidemment, dimanche 17h, finale de la Coupe du Monde. On y est, hein. On y est, c'est bon. C'est alors, Joao, alors vous avez un truc, c'est que vous aimez cuisiner, mais pas toujours avec succès. Racontez-nous ça. Ah, ça arrive. Oui, je suis adepte des expérimentations culinaires, on va dire. J'adore cuisiner, mais j'ai un gros. Enfin, j'ai un défaut, je suis un peu têtu. Donc, quand je commence une recette de cuisine, je me dis, oh bah non, mais attends, je vais mettre ma petite touche personnelle. Et ça fait qu'à la fin, c'est pas bon. C'est pas bon. Et les gens, par politesse, mangent, mais ne finissent jamais leur assiette, c'est en fait. Pas bon. Au moins, vous vous rendez compte que c'est pas bon. Quand je sers 8 personnes différentes et que les 8 ne finissent pas leur assiette, alors Il faut dire que les 8 requins en barre, c'est pas une bonne idée quand même, Joe, à la base, au départ. Oui, sur le papier, ça peut être pas mal. C'est moyen. Allez, on va vous souhaiter de gagner vos vacances en famille. Un séjour bel en bras pour 4 personnes dans l'un des 58 clubs bel en bras, formule demi-pension. À vous de trouver le nom de l'artiste. On lance la roue pop rock. Vous dites stop quand vous voulez. Bonne chance. Eh bien, stop. Alors, c'est qui? Bah, je l'ai dans la main, c'est téléphone. Mais ouais, ouais. Je l'ai dans la main. C'est génial, j'adore téléphone. J'adore dans l'ouvert, je ne sais plus. Ça va, merci. À vous les vacances en famille, c'est chouette. Merci, je stressais tellement de ne pas trouver l'artiste. Ah, merci. Bah, faut pas stresser comme ça, tout va bien. Bravo Joao, on est heureux de vous offrir votre séjour bel en bras pour 4 personnes en demi-pension. Bonnes vacances, amusez-vous bien, on vous embrasse. Bonne finale dimanche et je veux une carte postale Joao. Hein. Ah bah oui. Avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Mais un double expresso. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque cœur de la vie bat en toi, et tu m'emmèneras. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfum, la couleur des sons que tu bois. Le puits c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour j'irai là-bas. Un jour chante un autre rat. Voici le cœur là. New York avec toi sur RTL2. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller à la machine à café. Et ce matin, on décolle dans les savoirs inutiles.